prends le train, la gare des mouchoirs. Il m'emmène sur la lune en 3 secondes 1/4. Dès que j'arrive dans ma galaxie, mon cœur fabrique des spaghettis. Elle m'a juste dit, je vais faire un petit tour. J'ai plus de nouvelles depuis 8 jours. Elle a largué au milieu du salon, comme ça sans le faire exprès, une bombe à neutrons. Tout est perdu car je suis mort. Si j'y le compte qu'il aime encore. Adieu Philippe, je t'aimais bien. Prévenez ma mère, prévenez mon chien. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Qu'est-ce que tu vas faire sans moi? Mon énergie s'est envolée. J'ai plus la clé pour me remonter. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Qu'est-ce que tu vas faire sans moi? T'es toute ma vie, tout mon plaisir. Si je te vois plus, je vais en mourir. J'ai dans le ventre un marteau à souvenir. Je la revois quand elle m'aimait, du temps où je la faisais rire. Mais y'a que son nom sur mes carreaux. Que du silence, que des mégots. N'appelez plus chez moi au téléphone. Plus d'abonnés, il n'y a personne. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Qu'est-ce que tu vas faire sans moi? Mais à qui je vais prendre la main? Je t'en supplie, me laisse pas, reviens. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Qu'est-ce que tu vas faire sans moi? Le chanteur a perdu sa blonde, et pour lui c'est la fin du monde. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Qu'est-ce que tu vas faire sans moi? T'es toute ma vie, tout mon plaisir. Si je te vois plus, je vais en mourir.